yaba moyo oyo atombola kape ya kiti sakaye oyo azali pomoi na bato ngai na benga ba oyo bayebi falere na mokonzi basangana na nga totombola nzambe na bomoye ngai na benga mama oshoye aya totombola mokonzi oyo asalela ebikamwa osalaka maladio obikakaka mpona mokonzi yo ozalaka kokende klasi makolo bulu na ngai lelo obonga kaka mpona mokonzi o nzela ya kampisi na souffrance o lelo nzambe asalela yo wapi baoyo e balobaka na bango bakoki kobota te o lelo babota basimba bana bilaka ye basimba bana baya totombola mokonzi bakota banganga te o balekisa papa na mama te o baboma bato te bazwa mbongo kaka mpona mokonzi bamata na mituka mapamboli e baya totombola mokonzi na bamoyo obala obota obonga mposa na bomoi yaka tokumisa tata nayebi ndeko moko ya mwasi o apelaka sida ye azalaka na ye ndumba monene o ntango azongi epai na nzambe asengi mawa na nzambe nzambe mpe abikisi ye na sida ye baoyo babika na sida bosimba resulta ye oya totombola mokonzi o totalisa nzambe abikisaka bato te babika mpona yesu bato na kanser diabete batatolaka monene na nzambo asalaka boopératio ezanga sika musonsela le condamné o qui ne pouvait pas réussir o que l'éternel est lui-même a béni o ceux qui n'ont pas touché au fétiche, qui n'ont pas sacrifié leurs parents, ni les gens pour être bénis. Mais aujourd'hui, le Seigneur les a restaurés. Venez ensemble, glorifions les noms de l'Éternel. Parole de racheter. Angata butu mucha na zambi wa, mchumba iwa imemeyo.